Les quatre plastiqueurs sont allés chez Alex pour lui couvrir le portail des quatre plastiqueurs. La raque, c'est le papier fesse. Putois et le pigeon mort. Chimoute et les brioches moisies. Chucky, il est resté chez lui. Le quoi? Les quatre plastiqueurs sont retournés chez Alex pour lui pourrir la voiture avec un bon sec dur. Les quatre plastiqueurs vont lors d'une soirée retourner là-bas peut-être. Mais c'est pas nous. Ah papa, passe-moi le pécou. Ah la putain, j'ai oublié la rissa. Oh, comme ça pue, il a pété. Mais dans ce cas, c'est de la lumière. Et encore, t'as pas mis le rouille.